Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi Granier de Cassagnac, illustre plume de guerre au XIXe siècle, était-il surnommé le Murat de la diffamation? Comment incarne-t-il après le journaliste républicain Armand Carrel, évoqué dans les cours précédents par Antoine Compagnon, cette culture du duel alliant l'épée et la plume des écrivains? Et comment ce diable de Veuillot, le fameux polémiste catholique et intransigeant, rédacteur en chef du journal L'Univers de 1840 à 1880, incarne-t-il lui aussi cette figure de la plume de guerre à côté de Granier de Cassagnac? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, nous inscrit dans une vaste fresque historique et journalistique de la Restauration au début de la Troisième République, dans le cadre de sa série « De la littérature comme sport de combat » initiée en 2017. Il a cité dans le cours précédent un article de Sarcey qui consacrait les nouveaux mots « mots de métier » liés aux plumes de guerre, selon sa formule, les mots « éreinté »,« éreintement » et « éreinteur ». Et je reprends la citation aujourd'hui, car elle isolait les deux figures tutélaires de cet art martial. « Éreinté », cela veut dire au propre, fouler ou rompre les reins. On dit d'un orateur que son discours est un éreintement du ministère, ou d'un journaliste qu'il a éreinté un livre ou un tableau. On appelle « éreinteurs » ceux qui ont ainsi l'habitude d'éreinter. Messieurs Granier de Cassagnac et Veuillot s'étaient fait une grande réputation en ce genre, l'un dans le sacré, l'autre dans le profane. Nous retrouverons Louis Veuillot en deuxième partie de cours, mais tout de suite c'est Granier de Cassagnac, le fondateur du Globe puis de l'époque en 1848, qui pratique l'art de l'exécution littéraire. Ce spadassin des lettres, expliqué Antoine Compagnon dans le cours précédent, fait tirer un coup de feu par ses articles virulents pour faire venir le monde à sa fenêtre. Il pratique la descente en flammes, toujours à la recherche de la destruction des opinions reçues, et il revient du combat avec d'illustres têtes à sa ceinture, les Jeannin, les Dumas comme nous l'avons vu, et aujourd'hui il s'attaque à Racine. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 20 février et 6 mars 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui éreinteurs et plumes de guerre. Après avoir fait un sort à Dumas, Granier de Cassagnac décida d'exécuter Racine dans la presse de Girardin. Et Texier mentionne dans ce portrait de Granier de Cassagnac que cela fut fait en suivant une suggestion de Heiner, qui était un fin observateur de la vie parisienne et des mœurs de la vie littéraire. Voici ce que raconte Texier. Jusque-là, M. Granier de Cassagnac était bien parvenu, à force de ferrailler avec le premier venu, à se faire connaître pour un spadassin littéraire d'un certain mérite. Mais il voulait arriver tout d'un coup à la célébrité et il ne savait trop quel nouveau coup de pistolet il allait tirer dans la rue pour faire mettre les gens à la fenêtre. Un jour, il rencontra Henri Heine qui lui dit « Vous voilà bien embarrassé. Dans un pays où la liberté de la presse existe, tout homme de quelque valeur peut se rendre formidablement célèbre en 15 jours. Il ne s'agit que de savoir s'y prendre. Trouvez-moi une proposition bien absurde bien impossible qui fasse jeter les hauts cris au public et soutenez-la carrément. Prouvez par exemple qu'il fait nuit à midi et qu'à minuit il fait jour, emmaillotez votre thèse de termes techniques et entassez les paradoxes sur les paradoxes, jetez toutes les épices de votre esprit dans ce macaroni intellectuel, servez chaud et le tour est fait. Bon, c'est donc bien avant Andy Warhol, hein, la possibilité d'être célèbre à Paris en soutenant des paradoxes. Et Texier poursuit en disant que Granier de Cassagnac médita cet avis de Heiner et décida d'écrire coup sur coup une dizaine d'articles contre Racine. Et il y a un très long feuilleton contre Racine dans la presse au cours de l'année 1838 qui lui permit de devenir une célébrité parisienne. Célébrité parisienne au point que le trouve aux fêtes de Versailles dès 1837, présenté au roi avec quelques-uns des invités du Paris littéraire, avec Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jules Janin, Alfred de Musset et Granier de Cassagnac. Contre Racine, donc, comme partie là aussi de la croisade romantique, c'est une descente en flammes. Cela commence par une représentation d'Athalie au Théâtre Français qui lui permet de dire que quoi qu'il puisse paraître y avoir d'étrange, d'osé, de téméraire à s'inscrire en faux contre une admiration si persistante et si unanime, nous n'hésiterons pas un instant à le faire. Non, point en vue de quelque vanité personnelle, nous prions bien de le croire, mais en vue de quelques convictions littéraires qui se produiront plus bas. Bien plus, pour être net dans notre idée et pour ne pas donner aux préparations oratoires et aux révérences académiques une place que le raisonnement exige toutes, nous déclarerons sur le champ qu'à notre avis, Athalie est une des pièces les plus médiocres de Racine. Voici comment il commence cet article et cette longue croisade qui occupera une année contre Racine. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que le Racine et Shakespeare de Stendhal, hein, puisque il est déjà moins romantique et plus classique, mais il s'en prend article après article. Ensuite, au style de Racine. Quand le style de Racine est médiocrement exécuté, il constitue quelque chose de particulièrement odieux. La trame affaiblie se rompt sous le fait des épithètes. Dans l'idée perdue dans le dédale des mots n'arrive presque jamais au bout de la phrase. Et l'harmonie du vers n'est plus qu'un piétinement insupportable de termes oiseux, d'hémistiches parasites et de rimes manquées. L'abondance tourne au gâchis. L'ampleur à la pléthore et la noblesse à l'oripeau. Évidemment, ça soulève une polémique qui se répand dans toute la presse en 1838 et Granier de Cassagnac n'oublie pas de dire, comme le rappelle Texier, « N'oubliez pas, s'il vous plaît, que je m'appelle Granier de Cassagnac. » Et il est donc célèbre. Il continue ensuite avec une polémique avec Janin en 1839. Donc c'est vraiment de polémique en polémique. Et puis une polémique sur Hugo contre ceux qui disent que Victor Hugo ne sait pas le français. Victor Hugo sait-il le français? Et c'est ainsi qu'il s'en prend à Janin. Les feuilletonistes ont appris la langue dans la grammaire de Le Tellier et dans le dictionnaire de Boist, et M. Victor Hugo l'a apprise dans les grands écrivains qui l'ont créé. Pour ne citer que le plus distingué et le plus connu d'entre eux, M. Janin, il a écrit à la deuxième colonne de ce même feuilleton où il déplore ce qu'il nomme les barbarismes de M. Victor Hugo, la petite phrase modèle que voici, « Amoureux vénal qui vendait à des femmes vénales leurs baisers et leurs épées ». Nous ne voulons pas dire que M. Janin ne soit pas l'un des trois ou quatre écrivains de ce temps-ci qui ont le plus charmant style, mais nous voulons dire qu'il n'a pas la science philologique nécessaire pour écrire avec autorité d'un homme comme M. Hugo, qu'il sait ou qu'il ne sait pas la langue. En définitive, savoir le français, c'est savoir les grands écrivains qui ont formé la langue, oubliés ou non, admis ou non dans le dictionnaire. Sur ceci, nous croyons pouvoir affirmer deux choses. Premièrement, que M. Victor Hugo sait ses écrivains. Secondement, que ses critiques ne les savent pas. Et vous retrouvez ici peut-être la source de ce primo secundo que Baudelaire évoquait dans cette manière. Si bien que dans le Panthéon charivarique, en 1841, voici comment Granier de Cassagnac est représenté par Benjamin Roubaud, avec une plume épée sur laquelle nous trouvons écrit « presse hein, », la presse de Girardin, qui est l'organe dans lequel il mène son combat contre Racine, représenté ici, et avec un bouclier où l'on voit le visage de Victor Hugo. Victor Hugo contre Racine et les vers qui sont en dessous de ce portrait. Contre ce marbre à la blancheur divine, l'homme lige d'Hugo s'escrime vainement. Il répugne par trop au public jugement que jamais Cassagnac chez nous prenne racine. Aussitôt de cette polémique sur Racine, Granier de Cassagnac passe à une autre polémique. On a le sentiment qu'il est toujours à la recherche de la destruction des opinions reçues. Et il écrit une brochure contre l'affranchissement des esclaves. Et il est embrigadé dans le parti colonial, ou le parti colonialiste, quitte Paris d'octobre 1840 à juin 1841 pour les Antilles. Il rapportera un ouvrage des Antilles et continuera longtemps sa croisade pour l'esclavagisme. En Guadeloupe, il a épousé une jeune créole, fille d'un riche planteur, Rosa de Beaupin de Beauvallon. Et à son retour des Antilles, en 1841, il entre au journal Le Globe. Alors ce n'est plus Le Globe d'avant 1830, le Globe romantique. Le Globe est le quotidien du parti colonialiste et esclavagiste et financé par les planteurs. Et on trouve le nom de Granier de Cassagnac dans la liste des fonds secrets de Guizot, qui ont été révélés après la révolution de 1848. C'est toute une presse qui touche des fonds secrets. Granier de Cassagnac est célèbre par un duel au pistolet avec un député, nouveau duel avec un député, qui était hostile aux colons en 1842. Le Globe mort en 1845, il fonde l'Époque, l'Époque qui le mènera jusqu'à la Révolution de 1848, et il reste célèbre pour son rôle dans l'un des duels les plus célèbres, les plus importants de l'époque, auquel je viendrai maintenant pour finir. C'est donc le bravo à tout faire, comme il est qualifié par Barbé d'Aureville. Il est le bravo à tout faire. Ensuite, il défendra le prince-président. Il sera actif dans le coup d'État de 1851. Mais je voudrais finir avec lui pour montrer qu'il est bien mêlé à cette culture du duel, ces duels qui ponctuent la vie littéraire de ces années. Le duel en question, c'est le duel de son beau-frère, Rosemont de Beauvallon, créole venu de Guadeloupe, qui tient le feuilleton théâtral dans Le Globe, ce quotidien des colonies, et Dujarrier, qui est l'acolyte de Girardin à la presse. Donc c'est un duel qui est aussi célèbre que celui de Carrel et de Girardin. Quelques années plus tard, en 1845, le 11 mars 1845. C'est de nouveau un duel entre deux journaux qui représentent des opinions politiques opposées. Voici comment il en est rendu compte dans un récit qui rassemble les causes célèbres de justice de la monarchie de Juillet. Le journal Le Globe avait les allures tranchantes, agressives, de son rédacteur en chef, M. Granier de Cassagnac. Le fondateur de l'Époque et plus tard du Réveil s'était déjà fait un nom par des témérités de paroles restées fameuses. C'était une plume de guerre. Et que l'expression revient tout le temps. Plume de guerre, c'est celle de Barbet, plume de combat, c'était une plume de guerre. Un de ses talents toujours gênant pour le parti qu'il soutienne. On avait trouvé la même figure chez Larousse. Et qui compromettent les meilleures causes par les excès de leurs ailes et par les ardeurs de leur intolérance. Monsieur de Cassagnac s'était attaqué à la presse, il avait rencontré là forte partie. Ce journal, fondé naguère par le héros du journalisme spéculateur, Monsieur Émile de Girardin, avait attiré à son heureux créateur des inimitiés nombreuses et tenaces, qu'un langage souvent provocateur n'avait pas contribué à adoucir. Ce journal à 40 francs, ce concurrent redoutable, avait payé sa rapide fortune par des luttes incessantes. Monsieur Girardin avait eu 4 duels, dont le dernier enleva à la France cet homme éminent, Armand Carrel. Et comment les histoires sont tout à fait liées, Armand Carrel et Girardin, et puis le duel qui a lieu quelques années plus tard entre Le Globe et la presse. Depuis ce dernier malheur, Monsieur de Girardin ne se battait plus et il avait acheté bien cher le droit de ne laisser à personne un doute sur son courage. Mais la presse se battait toujours, les duels de journaux, d'ailleurs, étaient à la mode en ce temps-là. Le Globe se battait avec le National, Monsieur de Granier de Cassagnac contre Monsieur Lacrosse, et ce duel sur l'esclavagisme. Aussi, quand on apprit les suites du souper des frères provençaux, le duel du Jarrier-Beauvallon, il n'y eut qu'une voix pour dire « c'est le Globe qui veut se battre avec la presse ». Justement, quelque temps auparavant, pour répondre aux attaques du Globe, du Jarrier s'était rappelé tout à propos qu'il avait enterré autrefois dans son portefeuille des effets souscrits par M. Granier de Cassagnac. Alors, quelques mots de ce duel. J'en ai un petit peu parlé l'an dernier parce que, si vous vous souvenez, Lola Montès était la maîtresse de Dujarrier et son témoignage lors du procès de Beauvallon en assise est un moment important. Quelques mots donc de ce duel, mais cette fois-ci, je voudrais insister sur la contribution de Granier de Cassagnac. Voici comment le Globe en rend compte. Le Globe de Granier de Cassagnac à la suite de la mort de Dujarrier. Il résulte d'un assez grand nombre de lettres adressées aujourd'hui à notre rédacteur en chef par plusieurs de ses amis qu'une note publiée hier par la Gazette de France et répétée par le Commerce a induit en erreur beaucoup de personnes sur la malheureuse affaire dans laquelle M. Dujarrier a succombé. C'est la nécessité de rectifier ces erreurs qui nous oblige à démentir certains détails de cette note. Ainsi, premièrement, M. de Beauvallon n'a point tiré le premier, il a au contraire essuyé le feu de son adversaire. Deuxièmement, M. Granier de Cassagnac et M. Soler n'ont pris aucune part à cette rencontre dont ils n'ont été informés qu'après l'événement. Bon. Qu'est-ce qui concerne Granier de Cassagnac? Pourquoi y a-t-il un procès? Il y a un procès seulement lorsque un duel peut être estimé déloyal par la justice. Pourquoi ce duel est-il considéré par la justice comme un guet-apens dans lequel Granier de Cassagnac a trempé? Tout simplement parce que ce sont, découvre la justice, ses pistolets à lui, que que son beau-frère a utilisé dans le duel, autrement dit des pistolets qu'il connaissait. Or, dans un duel, on est censé utiliser des pistolets qu'aucun des deux adversaires n'a jamais essayé dans un stand de tir ou ailleurs. Or, la justice découvrira que Beauvallon utilise les pistolets de son beau-frère. C'est donc une sorte de guet-apens. Voici ce qu'on découvre dans le récit de la justice. La magistrature soupçonna une lâcheté plus grande encore que celle du spadassin qui force au combat un novice. L'instruction s'enquit de l'origine véritable de ces pistolets apportés par M. Descuvillers, donc le témoin de Beauvallon. On s'assura que ces armes appartenaient à M. Granier de Cassagnac. Ce dernier affirma qu'il ne les avait point prêtées à son beau-frère et que le 11 mars, elles étaient chez M. Devime, son armurier, qui les avait vendues autrefois. M. Devime donna à cette assertion un démenti absolu et déclara que c'était seulement après le duel que M. Granier de Cassagnac lui avait donné ses pistolets à nettoyer. Dès lors, on pouvait tout soupçonner. Non seulement on s'était arrangé pour que la supériorité d'adresse fût encore augmentée par des armes connues, mais on avait dû les essayer le matin même du duel. Les poursuites changèrent alors de nature. Rosemont de Beauvallon fut accusé d'assassinat avec préméditation. Voyez comment la justice peut intervenir dans ces duels entre hommes de lettres. Elle ne peut intervenir que s'il y a un soupçon d'assassinat avec préméditation, autrement dit de déloyauté dans l'art du duel, si les pistolets qui ont été utilisés sont connus de l'un des deux adversaires. Et c'est ainsi que la querelle de boutique entre les deux journaux est portée devant la cour d'assises de Rouen. Et voici ce qu'en dit l'avocat général. La véritable cause du duel, tout le monde la connaît, elle existe dans la polémique acariâtre engagée entre le Globe et la presse. Lorsque des écrivains, des journalistes échangent des injures tous les jours, il est impossible que le fiel ne pénètre pas dans les cœurs. C'est donc l'animosité des journaux qui est la cause de ce combat. Et l'avocat des parties civiles, qui est l'avocat des frères et des sœurs de Dujarrier, met en cause ainsi Granier de Cassagnac. L'avocat raconte les querelles de boutique qui vont les mettre aux prises. Il dit les attaques contre la presse faites par M. Granier de Cassagnac se mura de la diffamation. Autre surnom de cette plume de guerre. Les pistolets appartenaient donc à ce beau-frère du duelliste. Et c'est très intéressant parce que, malgré cela, l'avocat cite les passages de Guizot, puisqu'il vient d'y avoir un débat à la Chambre sur le duel. Il cite Guizot, où il croit le citer, pour attaquer Beauvallon. « C'est une bonne chose, morale et salutaire, qu'il y ait une juridiction pour tous les cas, et ils sont nombreux, que les juridictions n'atteignent pas. » Donc, on ne peut plaider contre un duelliste qu'en faisant l'apologie du duel. On peut être un gueux, un infâme, le dernier des misérables, et rester néanmoins hors des atteintes du code. Une infinité d'insultes, de molestations, de calomnies, de tyrannies et d'oppressions intolérables et odieuses se commettraient tous les jours à la face des magistrats, s'il n'y avait pas partout où il se trouve un homme de cœur, une justice appréciatrice de ses coups. Alors, c'est d'autant plus curieux que le passage qui est cité ici, eh bien, c'est en vérité un passage écrit par Granier de Cassagnac dans le journal Le Globe. L'avocat de la partie civile croit citer Guizot, mais en vérité, c'est Granier de Cassagnac dans l'Apologie du duel. Et c'est à propos d'une proposition de loi qui est à ce moment-là discutée à la Chambre, une proposition de loi qui, une fois de plus, voudrait réglementer le duel. Et cette proposition n'y arrivera pas plus que les précédentes. Le résultat, c'est que Beauvallon est acquitté à la suite d'un plaidoyer de son avocat, qui n'est autre que le grand avocat Berryer, qui lui aussi cite Guizot. Tout le monde cite Guizot, défenseur du duel, qui vient de dire à l'Assemblée nationale, contre une proposition de loi sur le duel, que le duel, a-t-il dit, est une conséquence et un correctif de la liberté de la presse et de la tribune. La liberté de la presse exige le duel pour en régler les abus. Et malgré tout ce qu'on a pu découvrir à l'occasion de cette instruction, eh bien, l'adversaire de ce Dujarrier est acquitté. Bon, il y aura beaucoup de rebondissements de cette affaire, ce n'est pas fini, mais j'arrête là pour que vous voyez comment cet homme est à la fois la plume de guerre qui n'a cessé de détruire, d'éreinter, de démolir Dumas, Jeannin et d'autres, et un participant à toute cette... toute cette culture du duel entre écrivains et entre journalistes qui s'est prolongée sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Son fils, Paul de Cassagnac, sera l'un des plus grands duellistes dans les débuts de la Troisième République encore. Donc on n'en a pas fini avec cette culture du duel. Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui, éreinteurs et plumes de guerre. Donc parler jusqu'ici de Courrier, de Carrel, de Granier de Cassagnac. Voici Louis Veuillot. Il y en aurait d'autres, bien entendu. J'avais évoqué Proudhon, et puis il y en aura encore un que je garde pour la fin. Mais Veuillot, je ne voulais pas le rater. J'ai l'impression d'avoir toujours su qu'un jour je m'intéresserais à Louis Veuillot, comme à Courrier et à Carrel, qui sont des noms importants et assez souvent négligés. Louis Veuillot, c'était donc, comme Granier de Cassagnac, un homme plutôt classé du côté de l'ordre, alors que Courrier et Carrel étaient du côté de, sinon de la République pour Courrier, du moins du mouvement, du côté de l'orléanisme, sans doute pour Courrier, et puis du côté de la République pour Carrel. Louis Veuillot, lui, il est franchement de l'autre bord. C'est un polémiste catholique, chaque fois qu'on l'évoque, l'adjectif qui est toujours utilisé, c'est celui d'intransigeant. Le polémiste catholique intransigeant, rédacteur en chef du journal L'Univers pendant une quarantaine d'années, des années 1840 aux années 1880, et auteur de nombreux livres, mais surtout journaliste. Et je dirais qu'il y a, trois motifs de curiosité qui me conduisent à vouloir parler de Veuillot, à ne pas, en tout cas, le laisser de côté dans ce palmarès des grands combattants des lettres au XIXe siècle. La première curiosité que j'avais pour Veuillot, elle est en effet liée à cette discussion sur l'éducation au milieu du XIXe siècle, sur la place de la culture classique, du latin dans l'enseignement. C'est l'objet d'une querelle très importante au milieu du XIXe siècle, dans laquelle il est intervenu de manière violente, puisqu'il est toujours violent, avec pour adversaire Monseigneur Dupanloup, l'évêque d'Orléans. Je ne sais pas s'il était d'ailleurs déjà évêque d'Orléans, mais en tout cas qu'il est le représentant d'un certain légitimisme éclairé dans la seconde moitié du siècle. La polémique sur la place du latin dans l'enseignement, ben, si vous vous souvenez du Rouge et le Noir et de Julien Sorel, c'est déjà présent dans le Rouge et le Noir, au séminaire de Besançon. Faut-il enseigner les auteurs profanes ou se contenter de la littérature chrétienne? Et en 1851, est publié un ouvrage intitulé « Le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l'éducation ». C'est un ouvrage de l'abbé Gaume, qui a été supérieur de petit séminaire, qui est lié à une maison d'édition, puisque c'est Gaume Frère qui publie l'œuvre de l'abbé Gaume, et c'est Gaume Frère qui publiera beaucoup des ouvrages de Louis Veuillot, d'ailleurs. Donc, c'est une maison d'édition ultramontaine, et ce livre est publié en 1851, et il met le feu aux poudres, conteste l'introduction des textes païens dans l'éducation chrétienne qui pervertit la jeunesse depuis la Renaissance, depuis qu'on a retrouvé les classiques grecs et latins. Puisqu'il faut faire du latin, en particulier dans les petits séminaires, il faut donc former les enfants à partir des auteurs chrétiens, utiliser saint Augustin ou Tertullien plutôt que Cicéron. Et c'est un combat que Louis Veuillot reprend dans l'Univers en 1851. 1851, il faut rappeler la date, c'est au moment du coup d'État et de la présidence dictatoriale de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis Veuillot écrit dans l'Univers du 29 septembre 1851 « Le paganisme règne depuis longtemps dans l'éducation, et de l'éducation il a passé dans les mœurs, non seulement dans les mœurs de la classe aisée, mais dans celles du peuple, où il fait en ce moment de lamentables progrès. » Donc, contre cette éducation païenne, c'est un long feuilleton qui durera plusieurs années et qui introduit ce combat contre la Renaissance. Donc c'est un combat important de ces années 1851-1852. Les évêques se prononcent, choisissent leur camp pour ou contre les classiques profanes. Monseigneur Dupanloup est donc le chef de file de l'opposition à Gaume et à Veuillot. Il y a un mandement de Dupanloup dans l'évêché d'Orléans qui interdit la lecture de l'Univers, et un mandement de l'archevêque de Paris contre l'Univers également. Veuillot se rend à Rome, et Pie IX, qui est proche de ces positions, intervient par l'encyclique Inter Multiplices, qui soutient la presse catholique, critique le gallicanisme et donc indirectement Monseigneur Dupanloup, mais prend une position un peu plus modérée quant aux classiques, que les jeunes clercs dans vos séminaires puissent apprendre l'élégance du langage et du style de l'éloquence, tant dans les ouvrages si remplis de sagesse des saints pères que chez les auteurs païens les plus célèbres, purifiés de toute souillure. C'est l'attitude donc qui sera celle de l'Église dans la suite. Mais je crois que c'est un combat intéressant, puisque on a cette croisade contre la Renaissance qui, d'une certaine façon, annonce toute une polémique catholique qui suivra et annonce, d'une certaine façon, la croisade d'un Maurras contre la Renaissance. Et c'est ma seconde curiosité à propos de Veuillot. C'est ce Veuillot qui est, au fond, le fondateur d'un certain style pamphlétaire français. C'est Thibaudet qui dit, Albert Thibaudet, qui dit qu'il y a une école de Veuillot. Et c'est une lignée considérable dans la prose polémique et pamphlétaire française. Au-delà de Veuillot, eh bien, on a Drumont, Blois, Léon Daudet, je disais un certain Maurras, Céline peut-être, dont il est encore question à propos de la publication de ses pamphlets aujourd'hui. Ce sont des écrivains que Thibaudet appelle écrivains de combat et dont il voit dans Veuillot l'inventeur. Il y a, dit Thibaudet, c'est dans ses réflexions sur la littérature, de sa chronique de la NRF dans l'entre-deux-guerres, il en parle beaucoup, il revient souvent à Veuillot parce que, au fond, ce style polémique est très présent dans cet entre-deux-guerres. Il y a eu, au XIXe siècle, dit-il, des journalistes plus brillants, plus goûtés et plus profonds que Veuillot. Tout compte fait, je crois qu'il a été le plus grand journaliste du XIXe siècle. Après cela, il précise d'ailleurs, dans le développement, le plus grand journaliste moyen. Ce n'est pas un journaliste de très haut niveau, mais le plus grand journaliste. Mais c'est parce qu'il est moyen qu'il est le plus grand journaliste. Et, dit-il, la force de Veuillot consiste dans l'équilibre du mouvement et des raisons, du pathos et de l'éthos, de l'action et de la dialectique. Alors pourquoi est-ce que Veuillot a été ce plus grand journaliste du XIXe siècle ? Eh bien, selon Thibaudet, c'est parce qu'il est en phase avec ses lecteurs. Et ses lecteurs, c'est le petit clergé de province, ce qu'il appelle le petit peuple catholique. Je cite Thibaudet, « Il s'adresse à tous, monde de petites gens, monde qui est le sien, qui est celui de son origine sociale, monde de petites gens, comme les boursiers de séminaires où se recrute l'Église, cela même que le comte Victor Hugo, père de France, reprochera si fort à Veuillot. » Et on a là une indication intéressante sur la grande polémique de Veuillot, c'est la polémique qu'il aura avec Victor Hugo, qui dure 40 ans. Mais ce que Thibaudet signale déjà ici, c'est cette différence de classe, cette différence sociale entre Veuillot et Hugo, le comte Victor Hugo, père de France, et Veuillot, homme du peuple, qui parle au peuple, ce peuple des petits séminaires et de cette église de petites gens. Et Thibaudet cite ici les châtiments, où Veuillot est donc chargé, injurié, après 1851, puisqu'il est un défenseur du coup d'État et de l'empire du nouveau régime. Il a été toujours un homme d'ordre, mais on verra que l'univers sera tout de même interdit de 1860 à 1867 pour ultramontanisme. Et entre Veuillot et Hugo, c'est une longue lutte qui commence dans ces années 1800, qui est même antérieure à 1851. Et un enjeu important de cette lutte, c'est la langue du peuple que Veuillot utilise dans son journalisme et que Victor Hugo adoptera, notamment dans les châtiments, certains disent par mimétisme de Veuillot. Thibaudet ajoute qu'il a un second lecteur privilégié, d'un côté le peuple, de l'autre côté Henri V. L'article quotidien de Veuillot dans l'Univers, c'est le contact d'Henri V avec la France. La France qui, dit-il, est représentée par Chateaubriand dans son enfance et par Veuillot dans sa vieillesse. Et Veuillot jouera un rôle, enfin, on lui impute un rôle important dans le manifeste du drapeau blanc après la chute de l'Empire, qui empêchera la restauration monarchique. Deuxième curiosité donc que j'ai pour Veuillot, c'est cette invention du style pamphlétaire populacier de droite que l'on retrouvera à travers le XIXe et le XXe siècle. Troisième curiosité que j'ai pour Veuillot de longue date et que je voulais creuser cette année, c'est son amitié paradoxale avec Baudelaire et aussi avec Nadar. Il est beaucoup plus proche de Nadar que de Baudelaire et il le restera longtemps puisque Nadar vivra beaucoup plus longtemps. Bon, c'est sans doute lié à la curiosité de Veuillot pour le mal, pour le péché. En tout cas, c'est un lecteur des fleurs du mal. Philippe de Chenevière, qui était un ami de jeunesse de Baudelaire, c'était un ami de ce qu'on appelle l'école normande, la pension Bailly. Bon, l'un des premiers articles de Baudelaire, c'est un article sur les contes normands de Philippe de Chenevière. Bon, Baudelaire est mort jeune, Philippe de Chenevière a donc vécu beaucoup plus longtemps. Il a été directeur des Beaux-Arts sous la Troisième République et à la fin de sa vie, il publie des souvenirs d'un ancien directeur des Beaux-Arts. Baudelaire est mort depuis longtemps. Et c'est à propos de Gavarni qu'il parle de Veuillot. Voilà encore l'une de ses amitiés paradoxales. Ces amitiés paradoxales de Gavarni, le caricaturiste dont on a parlé à propos du chiffonnier dans les années précédentes, caricaturiste de la caricature, du charivari, donc plutôt classé parmi la charge et la subversion, eh bien, il a beaucoup d'admiration pour Veuillot. Il fait partie de ces gens qui admirent Veuillot, qui sont séduits par cette rhétorique du peuple. Et Philippe de Chenevière, c'est dans une digression à propos de Gavarni qu'il dit que, et de l'admiration de Gavarni pour Veuillot, dit qu'il a, à une seule occasion, rencontré Veuillot et eu une conversation avec lui. Veuillot est mort à ce moment-là, c'est à la fin des années 1880, et il dit « J'étais allé chercher Baudelaire à son hôtel Voltaire ». Donc c'était les années où Baudelaire habitait à l'hôtel Voltaire, sur le quai Voltaire, c'est-à-dire justement les années de publication des Fleurs du Mal et du procès des Fleurs du Mal, puisque Baudelaire était à l'hôtel Voltaire de 1856 à 1858. Et Philippe de Chenevière continue en disant « Nous flânions, nous nous assîmes à la porte d'un petit café proche du pont Royal, vint à passer Veuillot, son paroissien sous le bras. C'était un dimanche, il allait aux Vêpres. Baudelaire l'arrêta pour lui parler de Dieu sait quoi, et il commence à bavarder, et voici ce que Chenevière écrit. « Veuillot s'assit un moment avec nous. J'admirais cette belle et solide laideur, cette carrure d'athlète au teint hâlé et sanguin. » Voilà encore un qui est un athlète. J'avais insisté l'an dernier sur cette figure de l'écrivain combattant comme athlète. Veuillot est toujours représenté comme un athlète. Il est très laid, il a le visage grêlé, vous l'avez vu dans la caricature en frontispice. Donc, cette belle et solide laideur, cette carrure d'athlète, ce ton hâlé sanguin, c'est un sanguin, tout le contraire d'un frêle abbé. Et le voici chapitrant doucement sur ses œuvres, le pauvre poète déjà fatigué, mais avec une douceur paterne et tendre qui me charmèrent. le charme de cette brute, lui faisant bien entendre qu'il ne confondait pas son vrai talent employé à une fin pervertie et périlleuse, ni son esprit subtil et distingué, digne des plus hauts horizons, avec les parnassiens du courant. Je fus touché de la tranquille et chrétienne charité de ce lutteur que je ne connaissais que par le génie de son pugilat. Donc, ce Veuillot qui, avec Baudelaire, bon, évidemment, cette curiosité pour le mal et pour le péché, et peut-être une idée de conversion, puisqu'il en a converti d'autres poètes, et qui est donc auquel Philippe de Chennevières est très sensible. Toute intelligence, poursuit-il, toute intelligence supérieure, même gâtée et piquée à fond par le mauvais vers de notre siècle, était sacrée pour Veuillot comme un don de Dieu. Aussi les plus généreux enfants de la bohème de mon temps, et cette complicité de la bohème et de Veuillot, j'entends ceux qui gardaient en eux une vraie valeur d'esprit ou de cœur, laissaient-ils voir un faible pour ses vigoureux éclats de plume et la fermeté consciente de sa langue et ses rudes coups d'aile pour cette verve concentrée et toujours drue et dispose, fortement armée à la gauloise et ne baissant jamais les yeux devant l'imbécile ou le coquin. C'est un éloge de ce style de Veuillot. Et ce faible, il leur rendait bien, il les eut volontiers, comme le bon pasteur, emporté gaillardement à la bergerie sur ses robustes épaules. Je me suis rappelé depuis ce cri superbe d'un billet anadar à propos de son premier ballon. Si la tempête est la plus forte, si tu te sens perdu, jette l'ancre en haut. Et ça nous montre aussi cette complicité de nadar et de Veuillot. C'est donc une relation compliquée que celle de Baudelaire et de Veuillot. Bien sûr, ils sont tous les deux disciples de Joseph de Maistre et ont tous les deux une attitude aussi réservée à l'égard du progrès. Mais c'est fait de haut et de bas. Baudelaire réagit durement à un mot de Veuillot sur la mort de Nerval. C'est toujours dans l'Univers, en 1855, quelques mois après la mort de Nerval, Veuillot se moque de la société des gens de lettres, cette société qui fait des écrivains des boutiquiers. Et il ironise sur le rapport annuel de la société des gens de lettres et il dit ceci: deux mots de morale termine le compte. Le compte, ben, c'est le rapport moral et le rapport financier de la société des gens de lettres. Il s'agit de l'homme de lettres, membre de la société, qui fut trouvé pendu un matin de cet hiver dans une rue sale aux barreaux extérieurs d'un sordide cabaret. Et je veux, dit le rapport, qu'après nous avoir donné une grande peine, comme s'ils l'avaient pendu eux-mêmes avec beaucoup de difficultés, la mort de ce pauvre ami nous donne aujourd'hui une grande leçon. L'intention est bonne, mais la leçon est aussi étrange que le style. Le confrère en question avait, dit-on, trop spiritualisé la vie. Hélas, c'est alcoolisé qu'il fallait dire. Et cette vie ainsi menée et trempée n'avait plus guère d'autre issue possible que le suicide ou une cellule à Charenton. C'est ici qu'est la leçon. Pourquoi la chercher ailleurs ? Bien sûr, Veuillot a connu Nerval. Veuillot a fait partie, avant sa conversion, de ce milieu de la bohème. Il en est et il fait un éloge de Nerval contre ces phrases convenues de la société des gens de lettres. Ce malheureux, dit-il, était né avec des dons choisis. Il avait la finesse de l'invention, de la grâce, plus de littérature que n'en demande ordinairement la société des gens de lettres, et même qu'en requiert l'Académie. Et il ajoute que c'est Nerval qui avait fait lire Joseph de Maistre et Bonald à un ami commun, Ourliac, qui est aussi un ami de jeunesse de Baudelaire. Baudelaire a été outré par ce passage et dit-il, un journaliste célèbre trouva l'aventure assez joviale pour la célébrer en un gros calembour, spiritualisé, alcoolisé. Mais leur relation ne s'arrête pas là, et Baudelaire envoie les fleurs du mal à Veuillot en lui disant « Vous m'avez traité d'enfant parce que je ne vous envoyais pas mes livres de crainte de vous blesser. Vous voyez que je vous ai pris au mot. » Il lui envoie les fleurs du mal et Veuillot en rend compte, là aussi de manière peu sympathique, dans un article de 1858, dans le journal Le Réveil, un journal éphémère qui est justement dirigé par Granier de Cassagnac, où il dit ceci, « Tandis que les uns s'aventuraient » c'est sur l'état de la poésie en 1858, « tandis que les uns s'aventuraient jusqu'à inquiéter des oreilles caressées par Béranger, Veuillot n'aime pas Béranger, hein, il est sans complaisance pour lui, d'autres, plus téméraires, de vrais novateurs, se sont piqués de ressusciter la description, le récit, presque la césure. Les plus heureux y ont gagné, les uns, la police correctionnelle, bon, allusion aux fleurs du mal, qui sera corrigée d'ailleurs lorsque l'article est repris en recueil, il n'y aura plus la police correctionnelle, mais simplement le réquisitoire. Les autres, l'académie, mais l'attention publique, point, ou si peu que c'en est triste. Aimez-vous mieux les fleurs du mal, qui a valu à Baudelaire la police correctionnelle, ou Agnès de Mérani, c'est la tragédie de Ponsard qui lui a valu l'Académie française. La belle époque du romantisme nous donna ces fleurs du mal, c'était les contes d'Espagne et d'Italie. Bon, c'était Musset, vous voyez qu'il reste fidèle à Musset. Hélas, quelle différence. Baudelaire a découpé cet article de Veuillot et l'a annoté, il a écrit dans la marge « Ce Veuillot me donne envie de tâter encore de la police correctionnelle en lui caressant les siennes autrement qu'avec mes vers, hein, les oreilles. » Violence de Baudelaire. Mais vous voyez que ce texte est bien dirigé contre Baudelaire et il se termine en disant qu'il appelle de ses vœux un poète qui ne chante ni sa dame, ni la dame d'autrui, ni les dames de tout le monde, qui n'offense pas nos regards du spectacle ennuyeux de ses plaies ou du spectacle répugnant de ses plaisirs. C'est donc bien Baudelaire qui est visé, mais Baudelaire n'est certainement pas jugé par Veuillot comme un poète insignifiant. Leurs relations se poursuivront. Baudelaire écrit à Barbey d'Aurevilly en 1860 « J'ai passé deux soirées avec l'infâme Veuillot. Il m'a désarmé par sa sottise. Je renonce à me venger de lui. » Baudelaire avait envisagé de lui répondre à cet article dans la préface de la seconde édition des Fleurs du Mal. « Je renonce à me venger de lui. » Mais vous voyez cette notion de vengeance qui est capitale dans ce monde littéraire et dont j'ai souvent parlé. Tout tourne autour de la vengeance. « Il est toujours utilitaire comme un démocrate. » Ce reproche de démocratisme fait à Veuillot, il revient souvent parce que c'est un homme du peuple. « J'ai voulu l'emmener dans quelques bastringues, mais il craint tout danger pour son pucelage. » Mais ce reproche de démocratie de Veuillot, on le retrouve aussi dans « Mon cœur mis à nu », et c'est aussi un reproche qui est fait par Montalembert. Après leur séparation, il introduit l'esprit de démocratie dans l'Église en faisant appel au peuple contre les princes de l'Église, contre les évêques. Veuillot est donc proche de ce milieu Gavarni, Baudelaire. Il est caricaturé par Nadar et il y a d'innombrables photographies de Veuillot par Nadar. Ils sont voisins. Nadar qualifie leur amitié de disparate et paradoxale. Et Veuillot, ne l'oublions pas, est l'un des premiers à être averti de la mort de Baudelaire. Et il suit à la mort de Baudelaire, le cortège funèbre est suivi par très peu d'amis. Hein, le 2 septembre 1867, il y a Nadar, Verlaine, Banville, Manet, Housset, Champfleury. Et puis, il y a Veuillot. Il est probablement... Voilà ce que dit Nadar. « Mon amitié lui en sut doublement gré d'être au funérailles de Baudelaire, nous fîmes à pied ensemble dans le rang le chemin de la rue du Dôme à la petite église de la place d'Eylau, Saint-Honoré d'Eylau, puis jusqu'au faubourg Saint-Germain vers le cimetière Montparnasse. Pendant ce long trajet, il m'affirmait encore sa sympathie pour l'homme, son admiration pour le poète dont il me citait maint passage. Mais Veuillot a écrit un article sur Baudelaire à sa mort dans l'Univers, où encore une fois, c'est à la fois un éloge et une critique. Monsieur Charles Baudelaire, auteur d'un volume de poésie qui a fait un bruit regrettable, est mort hier après une maladie de plusieurs années. Il a demandé et reçu les sacrements. Il avait du talent. Ses pensées du fond de l'âme valaient mieux que celles qu'il a montrées. Comme tant d'autres, il a été dans sa vie et dans ses œuvres le jouet des égarements de son esprit. Le frivole désir d'étonner lui a ouvert un abîme où sa santé s'est perdue, où sa raison a presque péri. Il a joué, sinon sérieusement, mais on pourrait dire héroïquement, le personnage de son imagination, souvent contre sa propre nature. Pour être étrange, il a usé une force qui aurait pu lui permettre de devenir original. Dieu a eu pitié de son âme, qu'il opprimait lui-même. Il lui a donné le temps de réfléchir. Et la fin de Baudelaire console ceux qui, le connaissant mieux qu'il ne voulait se connaître, le plaignaient, le condamnaient et ne cessaient de l'aimer. Tout cela parce que Baudelaire est mort avec les sacrements de l'Église. Et Veuillot a écrit encore quelques jours plus tard une lettre à Madame Aupic, la mère de Baudelaire, lui disant que le fait que Baudelaire ait reçu les sacrements lui avait apporté une des joies les plus parfaites qu'il ait goûtées. Mais Veuillot admirait-il vraiment Baudelaire comme le prétend Nadar ? Ben, pourquoi pas ? Son goût littéraire, en vérité, n'est pas en défaut. Son jugement sur Béranger et son jugement sur Hugo, malgré leur très longue polémique. Voilà donc trois entrées vers ce grand polémiste, auteur de livres en grand nombre. C'est encore un de ces graphomanes du XIXe siècle. Ses œuvres complètes, publiées entre 1924 et 1940. Encore une date importante. À chaque fois que je tombe sur ces polémistes du XIXe siècle, ça s'arrête en 1940. Vous vous en souvenez? La statue de Carrel, détruite en 1941, c'est toujours... Les œuvres complètes de Veuillot s'arrêtent en 1940. 40 volumes, 14 pour les livres, 12 pour la correspondance et 14 pour les mélanges, c'est-à-dire les articles qui, encore une fois, ne sont pas signés pour la plupart dans l'univers dans cette époque. Du Collège de France les 20 février et 6 mars 2018, vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui Éreinteurs et plumes de guerre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation de ce diable de Veuillot. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.